Alors, normalement, c'est tout bon. On est sur la petite radio portable. Je vais attendre une petite validation de la grande chef. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Donc, je pars de la radio et je vais vers la salle de jeu retrouver Benoît Renaudin. À tout à l'heure. Bye bye. Je me déplace jusque là-bas. J'espère qu'il y est toujours. Titi, tout le monde se prépare à manger. Il y a un peu du monde partout. Et voilà, je suis arrivée dans la salle de jeu. Bonjour. Bonjour. Et je retrouve Benoît. Bonjour. Bon, bah trop bien. Bienvenue. Merci. On est venu voir ta pièce, qui s'appelle comment d'ailleurs? Alors c'est une pièce, c'est une série de petites tables interactives. Ok. À la raison, différents noms. Ah, chaque table a son nom? Alors, c'est presque un peu plus compliqué que ça. Mais... Alors les noms, en fait, c'est peut-être pas très important, mais... Ok. J'avais fait une pièce il y a 2 ans, okay, pour la salle de jeu à Archipel. Donc la même salle? Ouais, celle-ci, bah, tu sais, je t'emmène. Ouais. Et ça, c'est la grande table, là. Ok. Ça s'appelle Napula. Napula. Ouais. Alors en finlandais, Napula, ça veut dire bouton. D'accord. Et ça veut dire aussi tête blonde. Donc c'est un peu un... Ah. Donc on avait trouvé ce nom avec Kaïssa, tu sais, qui travaille à Archipel. Et qui fait notamment, qui travaille dans cette salle tous les jours, puisqu'elle fait la médiation pour les enfants. Il y a tout un programme avec des ateliers. Ok, donc ici c'est vraiment la salle de la médiation pour Archipel. Disons que c'est la salle des familles, des enfants, de la programmation avec les scolaires, les classes, tout ça. Ok. Je me rends compte que j'ai pas enlevé mes chaussures. Ah oui, c'est mieux quand même. Ouais, pardon. Il y a un tapis en fait, et j'ai pas enlevé mes chaussures. Et donc oui, tu parlais de tête blonde et j'ai fait un grand A, parce que c'est donc une pièce pour enfants. Oui. En fait, ça ressemble à... Il faudrait qu'on décrive un peu. Ouais, peut-être. Alors au sol, on a, c'est la scénographie de la salle, il y a plein de moquettes blanches et jaunes, avec des scotchs de couleur violette, orange fluo. Et c'est très agréable parce que quand on marche en chaussettes ou à pieds nus. Ouais. Et on marche sur de la moquette. Et puis il y a des sortes de dunes. Faites avec des coussins, c'est... voilà. Et... En fait, il y a des coussins sous la moquette et il y a aussi une pile de coussins sur la moquette. Dans laquelle, ouais, on peut se cacher. Voilà, on peut se cacher, on peut sauter, on peut... Enfin bon, pour les enfants plutôt. Parce que si moi je saute, je vais me faire mal. Très bien. Et puis alors, au milieu de ça, tu as quatre tables, mm-hmm, qui sont quatre installations pour les enfants, mm-hmm, et c'est des tables à hauteur d'enfant, donc c'est comme des tables basses ou des bureaux d'enfants de toutes les couleurs. Elles ont du vert, du bleu, du rouge, du rose, du jaune, j'ai peut-être déjà dit. Et donc elles ont toute une sorte de fonction ou de jeu qu'elles proposent en fait. Et il y a quelque chose que je note, c'est qu'elles n'ont pas d'angle, elles ont des formes assez organique, avec plein de petits arrondis et donc pas d'angle. Oui, c'est des tables qui sont en forme de nuages. Ah. En fait, d'abord pour une raison esthétique, parce que mm-hmm, moi je trouve ça beau, et puis ensuite pour une raison pratique, c'est que bah, les enfants ils ont une tendance à se cogner au coin. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est une théorie, je sais pas, physique, je pense. Oui. Leur tête est attirée par les coins de table, donc je me suis dit je vais les enlever comme ça. Ils ne sont pas habitués depuis longtemps de leur taille. C'est ça. Mais moi, c'est drôle, moi ça me fait penser à des cellules. Ah oui, ça peut être des cellules, ouais. Exact. Et donc, est-ce qu'on passe de table en table? Allez. Alors, on va commencer par la plus grande, qui est donc la première, c'est ça? Ouais. Je vais poser la radio là. Pour le moment. On va... Ouais. Donc après, il y a des petits boutons. Je ne sais pas si on va entendre les boutons. Et donc, il faut savoir que cette pièce s'écoute grâce à des vieux téléphones, enfin des combinés. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça sur Internet. Et j'ai trouvé que c'était beau avec toutes leurs couleurs. Ça ressemble à des vieux combinés de téléphone. C'est ça. Donc, normalement, on met le combiné sur son oreille et c'est comme ça qu'on entend. Et donc là, on va essayer de diffuser le son dans un casque pour voir si la radio peut l'entendre. Je fais comme ça? Ouais. Vas-y, essaye d'appuyer sur le bouton. Donc, n'importe lequel? J'arrive en... Ah, il y a un chien! Tu laisses appuyer, je pense. Je vais trop vite. Alors là, en fait, c'est un. Dans cette partie-là, il y a plein de petits boutons de toutes les couleurs. Et ça aussi, c'est des boutons ? Ouais, alors faut aller rebrancher le casque là-bas. Ah, c'est deux zones. Voilà. À chaque fois, il y a sa zone. En D'accord. fait, t'as des. Sur les tables, t'as des petites prises pour mettre les mini jacks. Ouais. Donc les téléphones, donc là, faux téléphones combinés. Je rebranche le téléphone. Et en fait, les enfants, ils peuvent venir écouter comme ça. Ah, en plus, on peut brancher, débrancher. En plus, ça, c'est des boutons en bois. Hyper agréable. Ah. On n'entend pas assez, je pense. Ouais. En fait, bon, ça, c'est pour... chaque enfant entend individuellement un truc. Mm-hmm. Et... Ah oui, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs enfants autour de la table à écouter dans un coup de nez, ils ne vont pas entendre la même chose. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on essaye. Oh, je vais essayer. Alors, ça c'est des boutons. Si on touche dessus, il y a des voix de monstres. On verra après si ça a marché ou pas. C'est une expérimentation. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui peut me dire si on entend ou pas. Et donc là, tu appuies sur des boutons en métal. Donc il y a des petits boutons de couleur. Ça a un nom, ces boutons-là ? Des boutons poussoirs. Des boutons poussoirs. Tout à fait classique. Des boutons en bois, ouais. Des boutons en métal. Et là-bas, ils sont un peu rigolos parce qu'ils ont des ronds jaunes. Ouais. Donc, quelqu'un me dit qu'on n'entend pas trop. Bon. Oui, c'est ça. En fait, faut voir la scène. Je pense qu'il faut venir. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu un secret ce qu'il y a dans les combinés. C'est ça. En fait, il n'y a pas de haut-parleur parce que ça doit être resté silencieux. Mais les enfants peuvent appuyer sur les boutons et en fait, c'est comme s'ils avaient un casque. Quoi, oui, oui, c'est ça. Donc là, bon, on va réessayer. Tu peux peut-être décrire ? Vas-y, décris. Ah, ça, c'est de l'eau qui coule. J'entends de l'eau qui coule en mettant le combiné sur mon oreille. Là, c'est juste une goutte. Ah, on dirait un oiseau. Un peu mécanique. Ah, une chouette. Je dirais un félin qui rugit. Ah ouais, c'est des sons vraiment très très différents. Attends, ouais. Je vais reprendre sur un métal parce qu'il... Alors là, c'est quelqu'un qui fait des bruits de bouche. Je vais les refaire d'ailleurs, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Après, tu peux combiner tu peux faire plusieurs voix de monstre en même temps. Ah ouais? Mmh. Ah ouais, je peux appuyer sur les boutons en même temps. Mais là, ça devient cacophonique, je vais pas réussir à refaire. Ça devient un orchestre de voix c'est de monstre. C'est ça. Ouais, en fait, les enfants peuvent composer quoi. Mmh. Exactement. C'est vraiment une table pour appuyer sur des boutons, parce que ça, c'est hyper fun. Ouais. Oui, bah oui, on aime tous de toute façon. Et puis brancher les jacks aussi. Brancher les jacks, ça c'est cool ça, aussi. Ça, c'est hyper cool. Ouais. Ah, trop bien. Donc là, j'essaye le petit clavier avec les boutons en bois. C'est un synthé. C'est un synthé, c'est plus harmonique en fait que les autres ouais. sons. Donc ça, c'est vraiment le synthé pour enfants, quoi. Ouais. Mais stylé, quoi. Et ça fait un peu des bruits mécaniques, on dirait, dans une navette spatiale. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Et puis c'est vraiment, j'ai pris des sons de vraie synthé, donc ouais. C'est pas une blague, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, vraiment, c'est sérieux, les enfants, ils peuvent... T'as refait un synthé en bois, parce que quand même, donc la plupart des boutons sur la table sont à plat, sauf là où c'est un module en volume qui ressemble vraiment à un petit clavier, comme les petits claviers en bois qu'on avait quand on était petit, ouais. Et avec les boutons du clavier dessus, en c'est bois. C'est entre la machine à écrire, la caisse enregistreuse ouais. et le synthétiseur, ouais, ça ah, va. Trop bien. On est un peu entre tout ça. Et donc, et après, il y a les autres tables. Ouais. Et donc, les trois autres tables, tu les as faites pour cette... Celle qu'on vient de tester, ça s'appelle Napula, je l'avais fait il y a 2 ans. Ok. Et donc, avec Kaïsa, on a rediscuté, parce que ça a vraiment bien marché. C'est même une table qui a tourné dans d'autres festivals, d'autres okay. événements. Et on s'est dit, ah, ce serait trop bien de continuer notre travail. Et donc, elle m'a donné une sorte de carte blanche pour continuer la série. Donc, j'ai imaginé 3 autres tables. Trop bien. Donc cette année, 3 autres tables qui, l'idée de base, c'était en fait de faire un premier hommage ou un hommage rigolo à une scène des Tontons Flingueurs. Ok, que j'ai jamais vu. Mais moi, j'avais jamais vu non plus, je dois l'avouer. Et c'est une scène où en fait, il y a une... Ils se tirent dessus avec des pistolets. Okay. Et c'est genre hyper nulos oui. d'un point de vue son. Okay. Parce que ça fait genre piou, okay, ping, bah. Et c'est très drôle en fait. Okay. D'un point de vue sonore, c'est très très drôle. Et donc je t'emmène peut-être à la table. Ouais. Voilà. Celle qui a les marteaux. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens philosophique. Oui. Oh, trop bien. Donc cette table, tout de suite, elle donne envie quand on rentre dans la salle parce qu'elle a des petits marteaux, donc avec le manche en bois et le côté qui est censé être gros en métal, en mousse, ouais. En feutre de couleur bleu et jaune. C'est hyper agréable de taper avec. Oh, trop... Ah, ça fait du bruit. Ah, vas-y, tu peux prendre Alors, le combiné. Je vais prendre le combiné jaune. Et aussi sur la table, il y a dessiné un peu des... En fait, il y a dessiné des sons. Il y a une explosion, il y a un marteau... Il y a des fusées. Donc, je prends le marteau. Ça marche trop bien. Et donc là, quand je tape avec le marteau sur l'image de marteau, ça fait vraiment un bruit de pou. Et on peut même faire à plusieurs. Ah ouais, et donc ça fait des bruits d'explosion. Et donc, on frappe sur la table sur des petits boutons en métal. Et ça fait des bruits de... Et c'est des marteaux qui font pas mal. Non. Je les ai testés. T'as une sorte de test de si on les utilisait à des fois. Je dis quand même, c'est drôle de donner des marteaux de pouvoir taper. Oui. Mais bon, faut pas que ça fasse mal. Oui. Alors, j'ai testé plein de façons de faire parce qu'il faut quand même que ça tape. Oui, donc, bah oui, oui. Il faut que ça fasse une connexion. Donc j'ai eu plusieurs prototypes de marteaux. Trop bien. Et ceux-là, ils font pas mal, mais ils tapent bien. Et donc voilà, donc comme ça, on peut taper. Si je pense qu'en fait, ils font tellement pas... Là, je tape sur la table et ça fait pas de bruit, en fait, parce que c'est tout mou. Et c'est juste la connexion avec le bouton qui fait le son dans le combiné. Techniquement, en fait, là, t'as des petites ficelles mm-hmm. qui sont, en fait, qui conduisent l'électricité. Ah. Et tu vois, elles sont connectées okay, à ça. Ok, d'accord. Et donc, en fait, dès que tu touches, bah, là, ta peau, en fait, est en tu contact. Tu fais conducteur. Et en fait, le capteur qui est là, il reconnaît... Smart. Très bien. Et peut-être on a un peu de temps pour faire... on va prendre quelques minutes sur le programme d'Emma pour voir les deux autres tables. Donc celle-ci, elle est plus haute. Oui. Elle est encore basse pour un adulte, mais elle est plus haute. Ouais. Parce que peut-être qu'en fait, c'est des micros. Ah. Il faut se mettre debout quand il est d'accord. Dans un micro. Et donc c'est une table, donc il y a deux micros et il y a deux manières, deux effets. C'est ok. Une sorte de... C'est un peu, je me suis dit, on va faire des sortes des esprits vocodeurs, mais pour les enfants. Ah, trop bien. Donc ça, c'est un synthé à voix. Ok. Donc je te laisse tester. Ouais. Donc, tu t'approches ici, puis tu chantes, tu parles. Ah. Ok, donc ça prend comme source d'entrée ma voix, et ça module en fonction. Ouais, ça fait un synthétiseur à la voix. Trop bien. Et l'autre ? Et l'autre, c'est une discussion avec un robot. Donc je te montre comment on fait. Ouais. On fait, je te laisse combiner, on fait bonjour. Ah, c'est un petit délai puis on entend. En fait, c'est ta voix qui est enregistrée. Quoi ? Ça passe plus. C'est connecté bleu. Et Théo, il disait qu'il entendait. Il y a rien ? C'est plus marqué. Il n'y a plus la radio ? Regarder sur les autres. Après, il faut qu'on fasse la... Ouais, faut qu'on arrête. D'accord. Il y a la grande patronne qui vient me chercher. Je suis trop désolée, parce qu'après, il faut que je fonce au salon d'écoute là-haut. Très bien. Poser ça quelque part. Donc, il y a une table mystère dont on n'a pas parlé encore, que je vous laisse voir en venant ici, dans la salle de jeu Archipel. On va dire au revoir à Benoît. À bientôt. Et je vais redonner la radio